Alors, cet érable justement des Alpes moyennes, c'est-à-dire des Alpes du Tyrol, d'Allemagne, d'Autriche, de Tchécoslovaquie, sont les meilleures à condition qu'elles poussent. Naturellement, il y a un choix à faire, qu'elles poussent dans des régions assez dures où le développement se fait lentement. C'est ce qui procure justement cette densité du bois, cette beauté du bois, ces hôtes du bois, parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à pousser, alors que l'érable des plaines est un érable uni.